Français qui boude, veut défendre avancer. Notre ville est molle, finit trop avancée. Fatigue à zot, garde de monde dépensé. A au moins spiment l'autre côté pour prier. Chérie, regarde, les voisins éveillent à nous. Laisse veiller les bons, ça au moins nous perd pas. Bourre dans ta main, calou dans ta. On fout pas mal, c'est pas rien. Il est en mode tékaté, kate. Tékaté, kate. Pour moi, les autres modes les gâter. Ils préfèrent tékaté. Mais lance pas, c'est le hashtag. Cagna de luxe, ma t'inquiète même pas. Il est en mode tékaté, kate. Tékaté, kate. On fout pas mal. On fout pas mal, c'est pas rien. Poussa, bou, à bout. On fout pas mal, c'est pas rien. Poussa, bou, à bout. On fout pas mal, c'est pas rien. Poussa, bou, à bout. On fout pas mal. On fout pas mal, c'est pas rien. De mon IM bien occupé. C'est sec habituellement, les inoccupés. Au bras, c'est gros pouce comme calopilé. Avec un raf comme à la ou les tontos, c'est. Postule. À quoi ça parote pas mal. C-I-A-F-P-I. Aide à Paul KGB. C-I-F-P-I. Il est en mode tékaté, kate. Tékaté, kate. Pour moi, les autres modes les gâter. Il préfère tékaté. Mais lance pas, c'est le hashtag. Cagna de luxe, ma t'inquiète même pas. Il est en mode tékaté, kate. Tékaté, kate. Nous en fout pas mal. En fout pas mal, c'est taïa. Poussa, bou, à bout. En fout pas mal, c'est taïa. Poussa, bou, à bout. En fout pas mal, c'est taïa. Poussa, bou, en fout pas mal. Ni crois en moi, mais on fout sec de mon pas en cigade. Même pas moi, tout zog, bonne manigance. Chat de ma chat, le temps que le mani danse. Zot, profile pour casse mon ambiance. Si zot, il lance, m'y va appelle l'ambulance. Comme il passe, plaire, j'en vais dans le silence. Chat de ma chat, le temps que le mani danse. Pousse à bout, à bout. Plaire, il est en mode tékaté, kate. Tékaté, kate. Pour moi, les autres modes les gâter. Il préfère tékaté. Mais lance pas, c'est le hashtag. Cagna de luxe, ma t'inquiète même pas. Il est en mode tékaté, kate. C'est qui boude, veut défendre avancer. Notre ville est molle, finit trop avancer. Fatigue à zot, garde de monde dépensé. A au moins spiment l'autre côté pour crier. Chérie, regarde, les voisins éveillent à nous. Laisse veiller les bons, ça au moins nous perd pas. Bourre dans ta main, calou dans ta. On fout pas mal, c'est taillant.